tu dors. Mots dedans, des cookies crème fraîche, chocolat concassé, délices à la crème fourrée. Ils sont fourrés dedans, ils sont fourrés de crème. Mots dedans, dur dehors, dur dehors. Mots dedans, des cookies crème fraîche, chocolat concassé, délices à la crème fourrée. Ils sont fourrés dedans, ils sont fourrés de crème. Bonsoir, en manchette ce soir, on a des nouvelles du Canada, de la Roumanie, des États-Unis, de l'Allemagne et de la Lune. Qui donne 170% comme individu reçu au bal des neurones. On est des douteux que les amis affectionnent, tellement fait de fort, du bon bon bon fort, chaton et doutons encore. Oh, oh, oh, oh. Pas question de réponse bidon, pas de nouilles, rien de méchant. Pas de bêtises, pas de Jésus, les doutes tout à nu, tout nu. Quand la cloche sonne, un bon tout te donne. Est-ce qu'on s'est endormi depuis? Qu'on pense qu'on sait ce qu'on dit? Vive la vie, vive le vent, doute à 70%. Il me fait ça chaque semaine. Il attend que j'ouvre son micro pour se racler ça bien comme il faut. On a ici en background, ça me fait vraiment plaisir. C'est le Overclock Remix. On est rendu dans les E. E égale pour tous les vrais, les purs fans de jeux vidéo, Earthbound. Point barre. Et puis là, ben, c'est pas mal du remix de Earthbound. Puis on va l'avoir en loop parce qu'il n'y a pas beaucoup de lettres E. Fait que c'est toute la joie égoïste que je suis en train de partager avec vous. Bruno Corbin, tu vas parler des deux plus grands pays du monde ainsi que de la Lune. Est-ce que c'est un pays? Est-ce que ça appartient à quelqu'un, la Lune? On va peut-être adresser cette question-là tout à l'heure quand je vais faire ma nouvelle parce que tu risques de l'aimer beaucoup, celle-là. J'ai hâte. Ouais. J'aime bien ça. Je pensais que ça appartenait au professeur Tournesol. La Lune appartient au professeur Tournesol. Donc la Lune appartiendrait à des Belges? Je pense que oui. Il semble qu'ils sont pas allés, là, avec une fusée. Là, avec la fusée carrelée. Rouge et blanche carottée, puis avec un scaphandre en forme de chien. Oui, ils sont allés couper des arbres, je pense. C'est vrai qu'il y avait un scaphandre en forme de chien, là-dedans, pour chien. Ben oui. Parce que Tintin, le reporter, n'allait pas sur la Lune sans amener son chien. Parce que dans Tintin, quand il envoie des chiens dans l'espace, ils reviennent après. C'est de la fiction. Et voilà ça. Et puis sinon, ben, on a Evelyne Potvin-Cloutier. Tu vas nous parler de... Ouais, ben moi aujourd'hui, je me suis dit que tant qu'à rien dire, j'allais dire des niaiseries. How fucking original. C'est fort, t'es à la bonne place pour ça. Puis Emmanuel, côté Séguin. Ouais, c'est moi ça, ouais. Je suis venu vous parler de, ben en fait, vous dire ma recette de biscuits aux pépites de steak. Mais j'ai oublié la recette dans l'autobus en m'en venant. T'es pas dans ton char, t'as-tu perdu ton char? Ouais, je suis venu en autobus. Il a oublié ton char dans l'autobus aussi? Non, j'ai perdu dans un taxi. Ah, ok. Oui, ça en passe des affaires spéciales. Oui, je vais venir présenter le film de ce soir. Ben oui, pour, c'est toi qui as fait la sélection. Oui, oui. Le vote s'est arrêté sur W, La Vengeance des Sauvages, version québécoise de Vindicator, version française de W is War. Ah bon. Se sont passés à balle de ping-pong de doublage de films. C'est sûr que ça va être de la qualité. Ah, on a des extraits sonores pour aller avec ça, bien sûr. Et toi, DJ George, de ton côté, Forêt? Aujourd'hui, je fais mon deuxième spécial bouffe depuis que je suis avec vous autres. J'en avais fait un il y a longtemps. Là, j'ai plein de belles nouvelles tonnes de bouffe. Eh boy, on dit, ouais, ça doit être quand même assez fourni. Moi, j'ai eu un petit rapport. Là, on est allé au documentaire. J'ai eu comme des petites crottes sur le cœur, là, on en parlait, mais pas longtemps, parce qu'être dépressif, c'est vraiment pas notre style. Non. Puis c'était le fun. C'était le fun, vraiment. En plus, oui, oh, oui, c'est sûr. J'hésite avec quoi commencer. On va y aller doucement. Ça va être Porno for Pyro. C'est Pets. Ouais, c'est pas mal bon. Ça. Ouais. 70%. Ça, choc, choc, choc. Choc, FM. Choc, choc, choc. FM. Douteux.org a eu beaucoup de plaisir au documentaire. C'est le mélange de Evelyne, la pudeur d'Israël et de l'hélium. Ça a donné... Ah, je pensais que c'était cannelle. Hein? Elle n'a pas vieilli. Bon, une partie de trame sonore de fond. Parce qu'on est allé là, nous autres, on est allé à Rouyn-Noranda au documentaire. Je voudrais prendre quelques instants du temps précieux de tout le monde pour rappeler à ceux qui doivent se sentir remerciés de se sentir remerciés. Et ouais. Puis, Evelyne, toi, c'était ta deuxième fois à Rouyn-Noranda. Tu l'as senti comment à la ville? Ben, moi, j'ai eu bien du fun. Ouais, j'ai vu, ben, surtout le documentaire. La première fois qu'on est allé à Rouyn, c'était plus intime, amical. Mais là, la deuxième fois, c'était au documentaire. Puis c'était vraiment un beau festival. Moi, je savais pas que ça existait. J'en reviens pas de, tu sais, tous les efforts qui sont mis. Puis tout, moi, c'est le documentaire qui m'a plus frappé que la ville en tant que telle, là, okay. La deuxième fois qu'on est allé, là. Ouais, j'avoue mais, que ça effervescait pas mal culturellement. Ah ouais, vraiment. Puis, ben, sinon, Rouyn, on le sait qu'il y a plein de festivals, justement, culturels et que... ça effervesse sans cesse. Sans cesse. Ah non, bravo Rwanda, là. Moi, j'aimais ça. Puis je me suis trouvé une job là-bas, fait que j'ai bien hâte de déménager. Nos cabaradis. Sinon, ben c'est ça, on avait quand même une salle assez pas si mal dans le milieu du centre-ville. Puis eux autres, ils disent qu'il y a 800 à 120 personnes qui sont passées. J'ai trouvé fabuleux, moi, le fait que j'ai pas eu besoin d'expliquer comment fonctionnent les projectiles. Ça a été très rapidement compris. Oui, voilà. Et puis, ben, je suis allé leur rappeler la seule règle qui existe quant à ces projectiles-là, c'est qu'il faut viser jamais personne, une personne humaine. Et puis, ben, il y avait, je te dirais, 20 à 30 personnes âgées là, là-dedans là, qui auraient pu aller au troisième âge prendre des rabais bonus, tu sais, qui blanchissent plus que de la tempe. Puis, tu sais, que tout le monde a compris de quoi je voulais parler. Et puis, ben, ça a été des personnes qui ont été très, très heureuses de leur visionnement. Ils sont restés là d'un bout à l'autre. Ça a duré une heure et demie, à peu près. On a eu le temps de condenser ça. C'est la première fois qu'on faisait face à une limite temporelle. Et puis, ben, on a mis finalement l'affaire Louis Point Trio à la fin, là. Celui qui brasse le plus de souvenirs d'enfance. Mm-hmm. Et puis, ben, à date, il y a deux personnes qui m'ont écrit parce qu'ils veulent absolument l'avoir. Évidemment. Hmm. Je pense qu'on a frappé un petit peu à bonne place. J'ai associé aussi le plus souvent possible consommation, culture responsable, mettons. Ça, c'est des thèmes qui nous sont chers. Puis je pense qu'on a fait des gros points, au point que mon ami Stéphane Sigouin, qui est maintenant professeur de philosophie au cégep de Rouyn-Noranda, m'a invité à aller donner un cours. Ouais. Je vais aller parler de consommation responsable en culture, avec des clips à l'appui. Ça, c'est un nouvel allié très, très potent qui revient avec nous. Un gars qui a déjà vu des affaires puis qui va continuer à en faire. Et puis, je pense qu'on a Jean-Patrick Berthiaume du Parti Néo-Rino. Qui se pointe et qui entre. Oui. Et qui à l'instant. Entre, il vient d'entrer dans le studio. Je vais dire bonjour. Bonjour. Bonjour, Jean-Patrick. Moi, c'est Tommy. Ah! Bon, va prendre possession d'un micro et de ton sentir à l'aise. Pendant que lui, il se met à en sentir à l'aise, on va faire un paradoxe côté DJ Georges et Forêt. Ben oui, pourquoi pas? Tant qu'à être à l'aise, hein? On se peut en profiter. Ben oui. Fait qu'aujourd'hui, spécial bouffe, il y a plein de bonnes tunes qui parlent de bouffe. Et puis, j'avais fait cette affaire-là il y a longtemps, puis il m'en restait plein, puis j'en ai eu des nouvelles, fait que je me suis dit « let's go ». Donc, évidemment, si je fais un spécial bouffe, puis que c'est Tommy qui est à l'animation, il faut que je commence par parler de jambon un peu. Donc, évidemment, aussi, si je parle de jambon, j'ai pas le choix de commencer par Eduardo. Un sandwich au jambon! Son super sandwich au jambon. Je suis né avant 5 avril, avant les Beatles. Et ma mère avait 20 ans, dans les yeux de mon père. On marchait sur la lune, c'était le temps des tortoises. C'était le temps des tortoises. Oui. C'était ce temps-là, hein, vous en rappelez. On partait tous les trois le dimanche au bord. C'est là, ils m'ont... Ouais, les... Un sandwich au jambon. On chantait des chansons. Napoli, Napoli. Le début de ma vie. Ça, c'est une de mes tunes préférées de l'année passée, c'est sûr et certain. Oui, ben, c'est toujours bon, ça fait du bien. Surtout, on se demande le rapport du sandwich au jambon dans cette chanson-là. Il n'explique pas le lien avec tout le reste. Ça a l'air d'être un souvenir d'enfance. Quand il était jeune, il mangeait un sandwich au jambon. Sandwich au jambon égale vintage. C'est ça. Égale nostalgie. Égale voilà. Gilet des Jets. Sinon, ben, j'enchaîne tout de suite avec un autre jambon célèbre. Dans les mines du Grand Nord, les mines de charbon. Il est arrivé un gars, un genre de grand toxon. Réal Giga. Il pesait 300 livres, il mesurait 7 pieds. C'est pour ça que les mineurs l'avaient nommé Gros jambon. Jambon. Gros jambon. Gros jambon. Gros jambon. Et gros jambon, évidemment, qui faisait toujours partie de toutes les vinyles du genre d'autres chansons comiques ou des affaires de main. Parce que c'était très comique, mais c'est triste quand on écoute la chanson. Le gars, il meurt à la fin, mais il se sacrifie pour sauver toutes les autres mineurs, alors que pourtant, il était tout le temps un peu à part. Hein, fait que... Morale de l'histoire, finissez vos bines. C'est ça. Morale de l'histoire, trouvez-vous un rejet pour sauter sa grenade. C'est ça, c'est important. Planification à long terme, sauce Corbin. J'ai un petit peu de méta-cochonnerie maintenant. J'ai une version de gros jambon ici, par Big Bad Jack. Oh, donc c'est de la méta? Ouais. Oh, t'as! En disco. Oh, boy! Parce qu'on n'a jamais assez de disco. Jamais, non. Daniel Desnoyers, il a essayé de tout faire le plein. Ça a tout le temps manqué un peu. Ouais. James Last avant lui. Dans les mines du Grand Nord, hey. Les mines du Chambon, il arrive un gars, un genre de grand homme. Il pèse 300 livres, mais il mesure 7 pieds. C'est pour ça que les mineurs l'avaient nommé le Gros Jambon. On dirait l'album de Guy Lafleur un peu. Ouais, c'est ça. C'est vrai, mais plus vite. Ouais, c'est ça. Le gars, il chante plus. Gros Jambon. On peut pas continuer ça. Quand j'étais jeune, mon père me disait tout le temps, échappe pas ton bâton de hockey. C'est très important. Sinon, c'est sûr que ça va jouer en loupe pendant notre prochain aller-retour à Rouen. Ah, écoute, je vais te la donner. Ça va me faire plaisir. J'ai tout un album comme ça de remix disco. Oh, yeah! Ça fait du bien. On peut changer de genre complètement, mais rester dans le jambon avec Lucien Broyer, qui était un humoriste de son temps, avec le festival de l'humour qui se posait. Je pensais qu'il était fini, puis finalement, les rues sont encore toutes barrées. Mais on a Lucien le Broyer. Le festival de l'humour. Lui, il est drôle. Merci, merci. Merci beaucoup, madame Lucien. Merci. Oh, j'ai remarqué ça, le monde a l'air à vouloir sourire ce soir. Je sais pas, il y en a-tu parmi vous qui me trouvent joli, je suppose, si vous avez un qu'applaudir. Ça, ça dure genre 8 minutes. Oui, oui, on la mettra pas. Ben, t'as laissé continuer un petit peu, puis on va voir jusqu'à temps le dernier qui se rentre la tête dans le mur. OK. C'est ça de ma faute. Le défi est lancé. Ah, voici, madame Lucien. Ça fait plaisir de vous interpréter cette fois une autre version de Rigaud. Voici la version s'en venant de voir mon gros jambon. Oh, c'est un venant de voir mon jambon. Tintin, nouvelle et potin, puis le morin matin, puis le dimanche matin, puis le catin, puis pose un coin. Tintin, c'est un venant de voir mon jambon. Sur mon chemin, j'ai rencontré quelque chose de bien, c'est bien, c'était beau, c'était gros, pas ouais, qu'à t'es, pis pose dans le coin, soin de la peine, t'as boit ta foin, pas ouais, Donaldo, t'as boit ta bro, un jour, pis demoiselle, ou la. Puis j'ai demandé pour l'embrasser en dessous du nez, ah ouais, donc viens, donc l'on chelait donc, t'es, pas ouais, qu'à t'es, pis pose dans le coin, bon, on est officiellement plus capable. Il y a personne qui n'a jamais été capable. Non. Fait que là, on a changé d'aliments. On est rendu dans les patates. Donc, évidemment, Jimmy C. Newman qui nous interprète ici la chanson country Joyeuse. Joyeuse, oui. C'est ça n'avait pas de nom, vraiment. C'est ça, la chanson country joyeuse. C'est ça. Ça fait juste de même. Parce que l'autre, c'est la complainte. La complainte, elle a un nom. Ouais, c'est ça. Il faudrait en trouver un pour celle-là. 987. 3 000 postes. On attend vos suggestions. Comment devrait-on appeler? Le 10e caller gagne un Nissan Sentra. C'est ça. Est encore à gagner la Nissan Sentra. La dernière fois, personne ne l'a gagné. Personne n'appelle jamais. Chaque fois, on dit ça et personne qui appelle. On va être vieillis pendant ce temps-là. Mm-hmm. Ouais. Ah, mais elle sort pas, par exemple. Non. On va peut-être la donner à Emmanuel qui a perdu son auto. Donc, voilà, dans les patates, j'en ai deux autres. On pourrait continuer avec les deux autres patates qui me restent. Donc, il y a Stéphane Lacroix qui nous a déjà chanté « Petite patate ». Ça fait déjà 10 ans de ça. Petite patate. C'est vraiment bon. Le midi, quand j'ai une fringale, moi, je mange des petites patates. Oh, tata. Petite patate. OK, c'est comme le beat de devant. Je peux pas, ça m'est égal, car moi, j'aime les petites patates. Petite patate. Papa, maman ne veulent pas que j'en mange beaucoup. C'est pas de ma faute, des petites patates. Moi, ça me rend fou. Après ça, ça va devenir métal. Pour vrai? Ouais. On est prêt. On est capable. Ça parle de vomi, en plus. Ça fait du bien de mais pensez-vous qu'elle a dit petite patate comme ça pendant vraiment 3-4 minutes où ils l'ont mis en loop? Vraiment, c'est un son pour un. Je sais pas c'est quoi qu'ils font live. Nettoyer, on avait le vomi ici qui vient de passer. Puis là, ça va être là. Super métal. Papa, maman, ne veulent pas. C'est un petit peu plus loin. C'est ça, l'autre bord de cette dune-là. C'est ça, on est presque arrivé là. Comme ça, je me tiens. patate. Ah, finalement, je me suis trompé de chanson, il n'y a pas de bout de métal. Non, non, c'est là, c'est pas vrai. Et voilà. Hey, DJ Georges, vraiment, vraiment impressionné, là. C'est beau, hein? Hey, t'en avais un autre, t'as dit, ou c'est le two-parter? Il m'en reste une dernière sur les patates, puis après ça, je vais reprendre le micro un peu pour vous pousser à digérer ça. Merci. Plus fort. Alors, j'ai ici, ça, c'est un cadeau de Pierre-Yves. J'ai pas son nom de famille, mais je l'ai rencontré l'autre fois au lancement de Baf de Book, organisé par Benoît Mercier. Il m'a donné cette chanson-là de Caro qui s'appelle « Le roi de la patate ». Oh, ça a l'air bon. Et c'est une ode au roi de la patate qui fait des bonnes patates. Celui que tout le monde connaît. Ouais, le roi. Là. Ça a du sens. C'est bon. Moi, j'en avais un à l'Assomption, le roi de la patate. Les cœurs sont bons. Ah, c'est vraiment bon, ça, ce tonne-là, n'est-ce pas? C'est presque progressif. Ah, oh, ouais, c'est le Pink Floyd du casse-croûte. C'est son jam, finalement. Finalement, elle accouche avec le roi de la patate, fait que c'est pas hyper crédible, là, le fait qu'elle trouve vraiment vendredi, bon. Ketchup, puis ils font tirer des affaires, en plus. C'est tout le temps les cœurs que j'aime le plus. Je pense qu'on va la peine. Oui, oh, il reste ouais, plus grand temps. Quand on demande à du monde c'est quoi la chanson que t'aurais aimé écrire, là? C'est celle-là. Moi, c'est oui, ça. J'ai la trouvée, là. Regardez ce qu'ils vont dire, là, les cœurs. Ça se l'air. C'est de la méta-référence. De sa marmite. Non. T'es donc ben lâche. Elle va engraisser en plus, elle mange juste des patates frites. Ouais, ben elle a de la compétition. C'est vrai. Ça sent la faim. Ça finit sans fade out? Je m'en rappelle pas. Je pense que. Tout un fade out. Sérieux, là? Au niveau des fade-out, là. Ben oui. J'aimais bien celui à la fin de l'œil du tigre, là. Mais... Ça fait du bien, hein? Un peu de patate demain. Ouais. Et voilà. Fait qu'on a peut-être pas passé à travers en revenant de mon jambon, mais on s'est tapé le roi de la patate au complet. Ben oui, parce qu'on l'avait déjà fait, le jambon. Puis t'as bien recommencé à se toucher. Oui, c'est sûr. Ici, j'ai un petit extrait avec des ninjas. Ça va nous remettre dedans. Oui, donc. Gavin, qu'est-ce qui se passe exactement? Karl n'est pas un homme de terrain, vous le savez parfaitement. Vous n'avez pas lu son dossier. Je l'ai lu, moi. Il est arrivé premier de sa section. C'est un merveilleux linguiste et il manie les armes comme personne. C'est le meilleur élément entraîné que nous ayons. C'est aussi un fantastique joueur de bowling, mais cette histoire, c'est sérieux. C'est pas un jeu. Ces types sont des ninjas. Rapidement, on a fait une enquête auprès des membres de Douté.org. En particulier ceux qui font pipi debout, je voulais savoir comment vous vous êtes sentis quand vous êtes allés faire pipi pendant qu'on attendait les constructions. À ce moment-là, comment vous vous sentez? Je dirais que moi, j'étais un petit peu partagé parce qu'en même temps, on attendait quelque chose de moi, c'est-à-dire la performance. D'une autre manière, c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie, mais j'essaie de ne pas me mettre de la pression quand je le fais. Vraiment pas, je suis vraiment entre les deux. Toi, David, comment tu te sentais comme pendant que tu faisais pipi? Moi, je suis fier d'avoir excellemment sectionné. fractionner mon emploi du temps et utiliser de façon optimale le délai qui m'était alloué. Et voilà. C'est vraiment tranchant, comme ça. Moi, j'ai pas encore fait pipi. Je le ferme-tu? Oh, oui. En tout cas, si avec ça, vous n'êtes pas touché, Pas ce que ça vous prend. C'est ça. Jean-Patrick Bertillon, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'étais pas là la dernière fois que tu es venu ici. Puis là, ben, ils ont posé une question qui disait que là, tu avais dit pourquoi quelqu'un qui allait pas voter, tu sais, puis tout. Puis là, je me suis dit, moi, ça me tentait pas de voter pour personne. Puis c'était comme la première fois que j'avais une réponse intelligente à ça. Puis après ça, t'as dit qu'il y avait comme moyen de devenir membre du parti. Bien entendu. Ben, comment on fait? Pour devenir membre, une des façons les plus simples, c'est d'aller sur le site. OK. Donc, neorino.ca, neorhino.ca. Là, tu mets pas d'accent qui unissent. Non, www, trois fois. OK. Et vous cliquez sur devenir membre. Il y a me rencontrer. Moi, j'ai toujours des cartes de membre sur moi. OK. On peut écrire au parti. L'adresse est sur le site. Puis, une des meilleures façons, ben, en fait, c'est de venir aussi à nos événements. Les jeudis, on se réunit de 5h à 7h. On appelle ça le 5 à 7. Mm-hmm. Les cassettes de Bénit. Oh, ouais. Et donc, ben, c'est ça. Durant cette période-là, on discute du monde, de ce qu'on va faire. Et surtout, ben, les nouveaux qui voudraient devenir membres comprennent un peu plus c'est quoi le parti. Parce que, en fait, c'est du work in progress. Ben oui. Étant donné que plus il y a des gens qui s'ajoutent, plus il y a des projets qui grandissent. Comme là, je peux vous annoncer en grande pompe que nous allons sortir tous de notre garde-robe et s'avouer pataphysicien. Ah oui. Nous avons un nouveau membre pataphysicien qui a fait une maîtrise quand même sur la pataphysique à l'UQAM. Okay. Je le félicite. Et bref, cette maîtrise-là nous donne bon espoir qu'on va nous aussi pouvoir sortir facilement nos idées. D'ailleurs, parlant de pataphysique, sincèrement, ça fait deux fois que j'écoute ce que tu nous proposes comme musique. Ouais. Puis sincèrement, là, je trouve ça très pataphysique, le fait que tu te tapes autant de musique pour nous trouver les perles. Ça. Ah oui, écoute. Moi, je m'imagine... Moi, je filtre en plus, là. Ben, c'est ça, mais t'as dû en écouter au moins 5 à 10 fois plus. Écoute, minimalement. J'écoute rien que ça tout le temps. C'est... Dès que je ne suis pas ici, je suis en train d'écouter de la musique. Écoute, sincèrement, là, tu devrais considérer fortement la position suivante. Suis-je pataphysicien? Il faudrait que je me questionne. Ben, entre deux tonnes. Moi, j'ai la réponse. C'est ça, j'ai pas le temps. Je suis tout le temps en train d'écouter des maudites tonnes. Non, mais ce que j'ai trouvé beau aussi en écoutant, c'est qu'on dirait que la ligne du parti Néo-Rino, de laquelle on va reparler juste après, ressemble beaucoup à ce qu'on essaye de faire chez douteux.org. J'ai trouvé ça le fun. Ben. La ligne de parti, en fait, c'est la première blague qui était sortie à l'époque, c'est parce que c'est jadis quand même le parti date. C'est Boisclair qui l'avait sniffé, donc on ne la retrouvait plus. Puis, ouais, ça, c'était du reste d'élection. Bon, maintenant qu'il n'est plus là, la blague tombe à plat. Bref, c'est ça, on a continué quand même à ne plus en avoir. L'idée, en fait, c'est que ça fonctionne aussi comme l'endroit où on se réunit, la Casa Obscura. Tu arrives avec un projet, c'est toi qui le mènes. Donc, tu as libre cours. Évidemment, là, à moins de cynisme clair, il y a seulement le racisme puis ben, des choses semblables là, qui incitent à la violence qu'on va se dissocier. Mais sinon, toutes les idées du parti peuvent être contrecarrées parce que tout et l'inverse sont ensemble. Puis ça, c'est très pataphysique, justement. Donc, tout est dans tout. Là, ne rien prendre comme absolu parce que ça peut tomber dans les marches. Ben, c'est que tout s'équivaut à quelque part. Ouais, ouais, et ouais. Donc, pourquoi mon idée serait meilleure que la tienne? Sincèrement, si un de nous deux fait campagne puis on a des idées différentes, celui qui gagnera sera confronté à ses propres idées de toute façon. Mais nous, le principe, c'est vraiment d'avoir des gens qui sont motivés. Puis ça fait grandir le parti à chaque fois parce que ça nous amène des univers complètement différents. Et là, ben la bonne nouvelle, c'est que j'ai du monde de Vancouver aussi qui commence à faire revivre le parti en anglais. Et on risque d'avoir des choses assez drôles durant les élections au niveau de Vancouver Quadra. Ça va devenir un petit peu plus compliqué auprès des 5 à 7, là, mais vous allez pouvoir faire ça via conférence, webcam. En fait, pour faire une écartade rapide dans la loi électorale, un parti politique peut avoir des divisions qui sont des divisions de comté, si on veut. Donc, c'est un mini-parti en lui-même qui gère une une quantité de candidats. Par exemple, il pourrait y avoir un mini-parti pour Montréal, donc tous les candidats de Montréal. Et la plupart des partis le font, ils n'ont pas le choix. De sorte que nous, comme c'est 100 lignes de parti ni rien, notre base réelle, c'est le site Internet. Et ça, c'est facile d'ajouter des choses de partout. Ça ressemble vraiment de plus en plus à douteux.org. Puis, en fait, ce que je dirais, c'est que la base de toute action politique ou autre, culturelle, c'est la pérennité dans le rendez-vous. Donc, si les gens là-bas se mettent à se réunir à toutes les semaines, ça peut juste augmenter non pas réduire nos idées. La régularité devient l'espèce de on appelle ça la synagogue de notre côté. Ah, la synagogue. Oui, le monde, ils viennent, puis là, on lance des affaires dans des clips qu'on a spécialement sélectionnés pour les provoquer dans des choses qui prenaient pour acquis, mettons. Moi, j'ai bien hâte d'y aller tantôt, d'ailleurs. Bonne affaire. Je suis passé sur le site et je tiens à mentionner aux auditeurs qu'il faut aller voir le clip de la semaine. Moi, je ne verrai plus jamais la guerre des étoiles de la même façon. Je l'ai fait jouer trois fois. C'était trop génial. Merci à Simon Predge, qui un de ses bénévoles qui travaille de son côté dans l'ombre. Ça aussi, c'est très pataphysique de chercher des perles comme ça. Puis, à quelque part, tu regardes. T'es tombé peut-être sur le noyau de la pataphysique. c'est très possible. Mais à quelque part, quand même, moi, le fondement de tout ça, ils se sont mis des vrais costumes, ils ont appris des vraies danses. Je veux dire, c'est tout ce qu'il y a derrière que je trouve fantastique. L'énergie que des gens ont mis pour produire ça. Pour résumer, mais Camus disait qu'il faut mettre de la couleur sur le vide, puis je pense qu'ils le font très, très bien. Excellent. Bon, je pense qu'on va écouter une petite chanson gentille, pas trop longue, là. Gordon Downie. On va écouter Pascal Submarine pas au complet, parce qu'après ça, Emmanuel, tu vas nous parler du long métrage de la semaine W is War, W is La Vengeance des Sauvages. Merci Jean-Patrick Bertium. Ça me fait plaisir. On va encore parler avec la bouche puis écouter avec les oreilles tantôt. Pour l'instant, mon génie de la musique canadienne préféré, celui qui me dira arrête donc de dire que je suis là, Gordon Downie, qui a vraiment pas un beau nom. Salut. Et un nom doux. Tu combats. Une seule émission, 70%. Ici Danny Daniel Gabriel, vous écoutez l'émission 70% à Choc FM. Ah, nous sommes de retour et nous allons faire des nouvelles parce que là, il commence à être fucking temps. Là, il est 7h34, j'ai pas encore fait de nouvelles, what the fuck? Moi, je m'inquiétais, qu'est-ce qui se passe-t-il dans le monde? J'en faisais une affaire personnelle parce que Lilian Schutt, dont on a mal entendu l'indicatif tantôt, a dit que tu préparais un push pour t'occuper de ma place à la place du calife. Là. Ah ouais? Wow. Ouais? Ça s'en vient, ça s'en vient. C'était tellement le fun quand t'étais pas là. je vais commencer avec une petite le fun, là. Je suis bien content d'être tombé là-dessus. Il y a un sondage effectué par Time Magazine après la mort de Walter Cronkite le 17 juillet. Walter Cronkite qui était probablement le lecteur de nouvelles le plus respecté aux États-Unis des années 60 aux années 80. Qui révèle les sources de nouvelles américaines que les Américains considèrent comme les plus dignes de confiance. Alors, en quatrième position, avec 7% des votes, on a Katie Couric de CBS News. En troisième position, Charlie Gibson de World News avec 19%. En deuxième, Brian Williams de MSNBC avec 29% des votes. Et en première position, avec un colossal 44% des votes, Jon Stewart du Daily Show à Comedy Central. On l'a vu venir. Ben, c'est fou, hein? Surprenamment. Oui, c'est ça. Donc, c'est une source de nouvelles. Il fait un show d'humour. On continue. Nouvelles du Canada, ça arrive pas souvent, hein, quand même. Je vais pas souvent sur radiocanada.ca, mais on n'aide pas beaucoup. C'est un site qui m'a renvoyé là, en fait. Alors, quand Barry Shell est allé réclamer son prix de 4 377 298 $ qu'il avait gagné au Loto 649 pour le tirage du 18 juillet, il ne se doutait pas que ça allait mal se terminer. Après que la photo de l'homme content a été prise au bureau de Loto-Ontario, une vérification a été effectuée par le département de la sécurité de l'immeuble. Il semble que Shell était recherché depuis 6 ans pour avoir refusé de comparaître suite à des accusations de vol et de possession de marchandises obtenues suite à des actions criminelles. Shell a été arrêté à la sortie de l'immeuble et comparu en cours le jour suivant. Il a été accusé puis relâché. Shell affirme qu'il n'a pas de plan immédiat pour ses gains. Hey, mais moi, j'aimerais vous rappeler que c'est sur radiocanada.ca que j'ai lu la phrase la plus drôle de toute ma vie dans la nouvelle qui nous rappelait que maintenant le don fécal était appliqué dans des hôpitaux de Toronto pour guérir la maladie du E. coli qui va détruire la flore intestinale et qui tue plusieurs personnes par année par voie de diarrhée. Ça doit être une mort assez sublime. Et bien, c'était dit et voilà. Grâce au don fécal de sa sœur, Madame Monroe peut maintenant vivre une vie heureuse. Vive la grève de caca. C'est vraiment ma phrase préférée que j'ai lue de toute ma vie. Hey, merci beaucoup, Bruno. Tu veux-tu faire une troisième ou t'as encore le cœur gros? Là? Non, je suis correct. Là. T'es correct? Ça s'est bien passé. S'en est remis. Allez, on switch vers Emmanuel côté Séguin. Oui, bonsoir. Oui, effectivement, ce n'est pas Toby Gadette qui présente le film ce soir parce qu'il délègue. Et puis c'est moi, Emmanuel C. Séguin, dilettante et satellite positif, dévoué à la cause du douteux qui vous présentera W. Là, je vous évite tous les autres titres parce que je l'ai dit au début, ça va être plus court avec juste W, qui est un film philippin de 1983 réalisé par le très obscur Willie Millen. Je sais pas si ça dit quelque chose, toi, Toby. Ça dit rien. Ben, c'est pas mal le seul film reconnu qui a été fait par lui, mais ça a l'air sur IMDb qui en fait encore jusqu'à depuis en 2002 son dernier je crois. En Philippines, évidemment. Alors, W nous plonge au cœur d'une intrigue branlante opposant un groupe moitié secte, moitié gang criminelle, on n'est pas trop sûr, composé d'un millier d'hommes. Ils disent au début, là, il y a 1000 hommes là-dedans, et de quelques femmes, évidemment, mais on fait pas trop la différence parce qu'ils affectionnent la coupe rasée, le cuir à stud et les peintures dans le visage. Ouais. Une esthétique un peu divergente, mais ça fait un bon résultat. De PVC. Ah oui, ça fait un petit peu post-apocalyptique, mais il n'y a pas vraiment d'apocalypse. Alors, est-ce qu'on peut parler de post-apocalyptique? Ben, ils vivent dans un pit de sable, puis ils sont habillés tout croche. Mm. Moi, c'est pas mal. Ouais. Ils chassent à un moment donné une femme fertile ou un gars qui bande. Là, c'est pas la même affaire. On nous parle pas d'apocalypse, donc. Alors, c'est ceux-là contre le sergent W2 parce que. En Philippines, les agents de police ont des noms de code avec une lettre et un chiffre, semblerait-il. Là, il y a W2, V1, B3, etc. Je vous laisse le soin d'en trouver d'autres. Là. Vous allez voir, c'est facile. qui est épaulé par l'escouade anti-gang de l'aile ouest orientale de la police américaine. L'aile ouest orientale. Ouais, j'ai vu dans le film à un moment donné, on voit USA. Ah. Dans le poste de police. Bon, est-ce que ça veut dire que c'est la police américaine? Un peu étrange. J'ai pas trop compris ça. Alors, les ellipses brutales et le manque d'informations criant, justement, nous plongerons dans un scénario où la vengeance est un plat qui ne se mange ni froid, ni même chaud. Non. Il se mange à grands coups de pelleté, de coups de poing, d'explosions, de mauvaises cascades et de prétextes inutiles. Une altercation ridicule entre policiers et bandits se termine lorsqu'un tir précis, mais accidentel, de W2 tue le moustachu de service. Horreur, ce moustachu est le frère du terrible Nosfero, chef des méchants à la tête de l'armée brainwashée qui passe ses journées à s'entraîner et à crier « détruire, tuer » et autres mots à connotation violente, évidemment. Bon, son frère est mort, quelle est la seule solution qui lui reste? La vengeance, évidemment. Vu qu'il y avait déjà l'entraînement. Ouais. Alors, là, on va aller, suite à ça, le policier est démis de ses fonctions. On va aller à 10 minutes 31, où, justement, là, il va aller voir sa femme pour lui dire qu'il n'est plus policier. Sa femme qui voulait pas se marier avec lui tant qu'il n'était pas... plus policier. Ouais, parce que c'est un métier dangereux, violent, qui risque de le tuer. Là, ça se peut que le timeline soit pas tout à fait pareil parce que j'avais pas la même version chez nous. C'est une gang qui arrive en moto, en tout cas, ça promet. Ouais, c'est un petit peu après ça. Ça, c'est, il ramène justement le cadavre du frère de Nosfero, le méchant là. Aux gros sourcils. Ah oui. Les costumes sont vraiment beaux. Oui, oui, ben, c'est ça. Là, on voit pas en ondes, mais il y a deux nains avec une quantité assez phénoménale de cheveux frisés. Ils servent à rien. Est-ce vraiment. Que c'est des nains de type harmonieux comme Wang Wang? Je sais pas. Ils sont un peu plus grands, par exemple. Ça a plus l'air des nabots que des nains, ouais. Moi, je trouve. Mais là, il faudrait que tu l'avances où un est la petit limite? Peu. Peut-être une minute. Là. Ok, on va essayer. C'est ça, c'est exactement là. Voilà W2 qui parle pratique. Ouais, il parle le perroquet. Tu es déjà là, chérie? Il parle pas à sa femme, par contre. Non, il parle pas le philippin. C'est ça. Il parle juste le perroquet. On peut noter la décoration assez ridicule. Là. Il y a beaucoup, beaucoup trop de bibelots. Wally, qu'est-ce que tu as? Je fais plus partie de la brigade anti-gang. Je suis si contente. Mon Dieu, il est là tout déçu. Contente? Comment ça? J'ai tant espéré ça. J'ai tellement vécu dans l'inquiétude qu'on te fasse mal, chérie. Malaise. C'est touchant. Non. Il y a la Joconde. Moi, je viens de voir la Joconde derrière. Ah, ouais. Oui. Il va avoir plus tard la Vénus, il y a toutes sortes d'œuvres. Je se marier alors? Il y a vraiment un regard intense, W2. Ah, incontente, là. Mais tout le monde a des moustaches dans ce film. Quand tu veux. Même la femme. Si tu savais comme je t'adore. Je suis si heureuse de pouvoir vivre sans cette crainte. Oh, mon chéri, je t'aime si fort. Embrasse-moi. On dirait qu'elle aime pas ça, se faire embrasser. Non, en même temps. Hein, c'est en fait, je sais pas, je me suis posé la question, c'était quoi les censures en Philippines, mais il y a toujours une chandelle dans le chemin quand ils s'embrassent. C'est un peu bizarre, mais en même temps, plus loin, quand son collègue V1, on va en reparler, fourre sa femme, parce que c'est une... elle a des besoins, il faut bien qu'elle les satisfasse. Ben oui. Là, c'est un petit peu moins censuré. Ah, bon, étrangement. Ouais. Alors là, on voit Nosfero qui justement va donner un bec encore plus sensuel que celui donné par W2 et sa femme là, à son frère mort. Oui. Et puis va jurer la perte de W2. On va pouvoir avancer à 19 minutes. Ou après un mariage assez rapide où est-ce qu'il n'y a aucune personne d'ailleurs dans la chapelle, ils vont l'attaquer, le couple, juste avant qu'ils puissent consommer le mariage. Et là, l'air vraiment déçu. Ça va mal, c'est fait. Là, c'est des Krishna qui l'attendent. Krishna décroît d'en face en peinture blanche. Puis ils font comme la danse des Blue Meanies autour de la pauvre femme. Ouais, ils ont toujours des drôles de mimiques, de positions, de danse. Ouais, paraît que ça fait ça quand tu fais ben gros du crystal meth. Ah, c'est ça. Ah, d'ailleurs, on n'est pas trop sûr. Des fois, ils vendent de l'opium. Des fois, c'est de la marijuana. De toute façon, c'est pas la même affaire, ça. Ah, puis là, ils sont en train Ils le châtrent, voilà, comme ça. Il le nuquifie, il le castre, il lui enlève ses parties masculines. Et... Oh! Voilà, il vient de se réveiller à l'hôpital. C'est très plausible. Scène d'acting vraiment incroyable. Non! Arrêtez. J'ai tué tous! Tout jusqu'au dernier! Pour venger les couilles. Tu sais, j'y passais toute ma vie! Non! Tu sais, j'y pensais quand même, c'est la belle conjugaison. Non! Tu sais, on rit, puis lui, il n'y a plus de pénis. Non! C'est vraiment pas cool de notre part. On est vraiment pas blood. Alors voilà, on peut arrêter ça pour l'instant. Là. Alors... alors, privé de sa masculinité, il n'aura qu'une seule idée en tête, évidemment, la vengeance, afin de prouver qu'il lui en reste encore entre les jambes, ne serait-ce que métaphoriquement. et ce, avec ou sans la loi, là, cette loi qui protège les criminels plutôt que lui, et qui va même jusqu'à le coquifier, comme j'en ai parlé tout à l'heure, à grands coups de speedo jaune, là, parce que c'est son collègue policier qui s'était supposé de protéger sa femme, là, qui va la satisfaire parce qu'on va le voir, là, sa femme est une sacrée info. Elle a vraiment des besoins particuliers. Son mari est un eunuque. Ben, c'est ça. Alors, faut bien qu'elle passe ça quelque part. La chance de pomme de douche. C'est ça. Hey, ben, c'est la fin de la première partie. C'est la fin de la première partie, effectivement. Hey, comme je vous ai dit tantôt, on a plusieurs journalistes qui sont montés à Rouyn-Noranda et puis, ben, on a redécoupé ici une autre tranche de leurs aventures. Alors maintenant, sur la route avec l'équipe du 2, et on est en train de se demander combien de doutes par kilomètre avez-vous eu au cours du parcours, disons? Je sais pas, la vie est remplie de doutes à chaque seconde et minute. Moi, ça dépendait des catégories. D'accord, et moi, j'aimerais ça demander à David, t'aimes ça douter de quoi le plus, tu sais, comme catégorise, là, comme alimentation, cinéma, ou peut-être station-service, restaurant? Ok. Tommy, précisément, qui se cache derrière? Moi, je pense que les personnes qui se cachent derrière, souvent, c'est des personnes qui ont elles-mêmes des choses à cacher. Et donc, comme elles se cachent derrière en ayant des choses cachées, je dirais que c'est un petit peu tout le monde qui peut être en train de se cacher derrière. Ok. Vous avez joué, je pense, tout à des jeux de société. Je dirais, selon vous, à quel jeu de société que ça fait le plus mal de mourir? À main chaude. À cuisse chaude. À cuisse chaude? Ok. Il est bon celui-là. Puis ça serait quoi comme l'épitaphe? Moi, je dirais pour paintball avec des guns à clous. Ok, c'est bon. Ben aussi la bataille, là, parce que généralement ça fait 4h30 que la game dure. Ah oui, l'épreuve d'endurance, la bataille au cap. Evelyn? La guerre. La guerre, oui. T'as vu les drôles de jeux de société? Le GQ. Et d'ailleurs, à quelle sorte d'épitaphe on pourrait s'attendre dans le cas de la mort d'un douteuiste ou d'un membre de douteux.org? Moi, j'ai pensé à la mienne l'autre fois. Continuer sans moi? Ah, c'est bon, ça, continuer sans moi, c'est très bon. Oh. Ça serait sérieusement, virgule, sans niaiser. OK. Moi, je manquerais peut-être de toute ma vie. OK. Je sais pas, moi ça va sûrement avoir rapport avec mon poids. Ok, sûrement. Okay. Pour ma part, ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que je sais pas encore qu'est-ce que je pourrais marquer sur mon épitaphe, mais probablement que ça pourrait aussi aller au dos d'une boîte de céréales. Sur ce, on va dire merci beaucoup à tous les membres de Toutes.org et sur ce, à la prochaine. Dites à Stéphanie que je rentrerai pas souper, ça c'est pas pire aussi. Avez-vous vu le nouveau Batman? Joker! Questions aussi. Non, c'est les questions, là. Wow, là. Ouais. Ça revenait sur les messieurs qui font pipi debout. Avez-vous vu le nouveau Batman? Oui. Le Joker take care. On sait plus quoi répondre à ça. Ouais, c'est ça, on n'a plus envie. Vous n'avez plus envie de répondre à cette question-là. Là. Hein? C'est correct, là. C'est passé, là, Tommy. C'est fini. C'est fini. Tu ne trouvais pas écœurant le nouveau Batman? Il n'y a plus personne qui a vu le nouveau Batman. Ils l'ont tout oublié. Bon, ben, vas-y, fonce, Bruno. D'accord. Tu vas l'aimer, celle-là, Tommy, comme je t'avais promis une nouvelle de la Lune. La semaine dernière, une sonde lunaire a révélé des empreintes restantes de la mission Apollo 11. Ces traces sont restées là depuis 40 ans. C'est cette longévité que la compagnie Moon Publicity veut exploiter afin de, vous l'aurez deviné, imprimer des publicités sur la Lune. Une nouvelle technologie permettra aux robots de Moon Publicity de strier la surface de la Lune, ce qui créera des ombres qui permettront de voir le logo, le nom de domaine ou le solde en cours, etc., de la Terre. Pouvez-vous y donner une tape? C'est bon, la compagnie a même fait un beau vidéo en 3D afin de prouver qu'ils sont sérieux. Reste à savoir si les compagnies voudront se prêter à cette pratique moins qu'orthodoxe. Hey, c'est quoi ces enfants de chiennes-là qui vont mener le marde sur notre satellite naturel? Ça intervient avec notre proposition. Maintenant, on promet la Lune. Ben, c'est bon. Non, mais c'est parce que là, ils jouent sur notre terrain. Complètement. Là, les politiciens font quelque chose. Les autres, à qui ils l'ont acheté. Il va falloir légiférer là-dessus. Fait que là, la Lune, c'est comme le bouclier naturel de la Terre qui protège beaucoup. Hein. La surface noire de la Lune a plein d'impact. Puis c'est comme le bouclier, c'est le 1/6 de la grosseur de la Terre. Puis là, ben, ça va protéger le reste de l'univers contre les enneries des êtres humains en contenant nos hosties de niaiseries. N'oubliez pas que Adidas fait des souliers puis ils sont sur la Lune. Voyons donc, fist fuck. Merci Bruno. Ça m'a fait plaisir. Jean-Patrick Bertillon. Oui. Avant de retourner voir DJ George, ou en fait subir DJ George, oui ou non? Puis-je répondre peut-être? C'est fort. Il pense en dehors du cadre. Ah oui. C'est bon ça. Côté cinéma, est-ce que Jean-Patrick Bertillon a un classique à proposer? Je l'ai d'ailleurs suggéré. C'est Schlock, un film génial de Carpenter, je pense, je sais plus. J'ai envoyé le... John Landis, voilà. C'est le chaînon manquant pour résumer. C'est fait sous forme de sketch, ce qui est un petit peu déconcertant parce qu'on embarque dans l'histoire tout de suite. Ça commence vraiment d'une façon géniale, c'est que en fait, c'est le chaînon manquant, c'est une espèce de Sasquatch ou un singe, si on veut, qui se réveille. Et donc, la première scène, c'est le policier qui constate la mort d'à peu près 2000 personnes. Et le traveling, pendant qu'on voit le début du film, ben, c'est toutes ces personnes mortes, là, mais bon... On s'entend, il y a des membres de sa famille, des enfants. C'est vraiment comique pour arriver à dire « Ah, il y a vraiment eu un bordel ici. » Mais tu sais, il y a 2000 personnes à terre, mais il y a encore, comment on appelle ça, un carrousel, tu sais, le truc qui tourne dans un parc avec des gens dessus qui sont morts, puis ça tourne. C'est vraiment... c'est space. C'est une comédie noire, finalement. Moi, je l'ai découverte au cégep, et je dirais pas il y a combien de temps, il y a quand même assez longtemps. Puis ça nous a suivis toute l'année. C'était régulier, au moins une fois par semaine, on allait le louer. Le gars du dépanneur n'en revenait pas. Il a fait son année avec nous. Il a augmenté le prix. C'est parce qu'à l'époque, les DVD n'existaient pas. Puis bref, je ne veux pas trop en dire sur mon âge, mais... On a tout fait tout ça, ici. Je pensais que tu étais assez jeune pour être né après le DVD, là. Assez jeune pour ne pas complexer sur l'âge, là. Non, ben c'est pas ça. C'est que, bref, c'était vraiment au début des VHS. Donc, ils vendaient pas puisqu'ils voulaient tous faire de l'argent. Il y avait pas, comme aujourd'hui, dans tous les magasins, le film 3 mois plus tard. Oui. Et faire venir Schlock, c'était complexe. Mais j'ai remarqué que, donc, aujourd'hui, on peut l'avoir. Puis je le suggère fortement parce qu'il est quand même assez humoristique comme film. Puis John Landis a fait d'autres trucs dont je me souviens plus, mais tu sembles être au courant. C'est qui, John Landis? John Landis a fait un... Attends. Ouais. John Landis, il a fait choses. American Werewolf in London. C'est ça. Il en a fait deux, trois. Il a fait un des sketchs dans le film de Twilight Zone. Taper John Landis dans Google pendant que tu me dis. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas un pro de John Landis, là. Moi non. Ceci dit, c'est ça. il y a quelque chose d'assez fondamental dans ce film-là, c'est qu'ils sont amusés. Puis ça se traduit bien à l'écran, mais faut pas y voir quelque chose d'hyper douteux, malheureusement. Ben, c'est ça que je voulais savoir, si c'était... Non, parce que il se prend pas au sérieux. C'est un film à sketch. Ah, il a fait des Kentucky Fried Movie aussi. Ben, c'est ça, c'est ce genre-là. Ouais. Bon, ben, Michael Jackson, Making of Thriller Video. Ah oui, hein? C'est John Landis qui a fait ça. C'est ça qu'il a fait. Un prince à New York. Ah oui. On voit la qualité, là. Ah oui. Le flic de Beverly Hills 3, ça, c'était. Il y avait un bout de drôle. Sinon, ça marchait pas. Oh, les stupides. Blues Brothers 2000. Je crois que c'est lui le premier. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Les gosses. On en parlait dans le char. Chérie, j'ai fait disparaître les gosses. Ça va avec le film de cette semaine. Chuck Norris, est-ce qu'il pourrait se lancer en politique? Parce qu'il est en train de penser faire ça, lui. Je ne sais pas, mais sur Facebook, dernièrement, je sais pas, il y a une fille qui arrête pas de mettre dans son statut des trucs de Chuck Norris. Puis j'en sors une comme ça. Chuck Norris... Il regarde pas l'heure, il décide l'heure qui. Ben oui. C'est puis ça a l'air qu'il y en a tout plein. Donc moi, j'aime bien ce côté-là, mais Chuck Norris, je sais pas, je le verrais très bien en politique après Schwarzenegger puis Ronald Reagan. C'est ça, pourquoi pas. Ça serait le choix logique. Tout à fait. L'évolution finalement, un homme, un vrai. Quoi que plusieurs, selon un sondage que vous retrouverez, veulent Jack Bauer. Ben oui. Ah oui. Faut le faire. Ils veulent Jack Bauer. Il réglerait tout. Il amène des résultats. Rapidement. Exactement. Puis lui, ça niaise pas, c'est 24 heures. Uh-huh. Et puis sinon, la place de Dieu dans le parti néo-rhino, c'est quoi? Oh, la place de Dieu. Je dirais que, là, je l'ai appris par la pataphysique, là, que Dieu a une certaine surface. 2 plus 2 égale Dieu, semble-t-il. Je pourrais pas trop élaborer, aller vérifier sur le site bientôt, il va y avoir une explication, mais la place de Dieu, étant donné que la religion est l'opium des peuples et on est pour la drogue, ben faut bien y faire une petite place, mais on le prend pas ben au sérieux par contre. OK, il faut que Dieu accepte de rire de lui s'il veut être votre Dieu. Oh ben, c'est-à-dire qu'il sera pas notre Dieu, il va être Dieu, puis il va être l'égal des gens. Je parle à Jean-Patrick, et puis sinon je parle à Dieu. Exactement. Moi j'aime ça. C'est Dieu qui prend tes messages. Il est très disponible comme bénévole. Et puis, ben, comme dernière question que j'ai de mon bord, en fait, j'en ai deux dernières. Définis accommodement raisonnable. C'est quoi ça veut dire, ça? Un accommodement raisonnable. Ben, en fait, c'est ce qui nous permet d'aller voter avec un masque aujourd'hui. OK. Donc, c'est quelque chose que moi, je trouve fantastique. C'est, comment dirais-je, la façon que le Canada anglais a trouvé de, finalement... rendre équivalente la culture québécoise à toutes les autres cultures qui voudront bien immigrer ici. C'est ça un accommodement raisonnable. C'est de dire, bon, ben, tout est égal, tout est dans tout. Alors, tout le monde devrait avoir des droits selon leur propre credo. Mais c'est ça le problème qui se pose pour moi, c'est que si un bozo dit qu'il faut tuer des gens, est-ce qu'on va y permettre par accommodement raisonnable de tuer des gens? Non. Mais l'accommodement raisonnable de base, c'est ça, c'est de pouvoir permettre à des gens, parce qu'ils ont une culture différente, de vivre leur culture à l'intérieur de la nôtre. Et donc, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça nous permet de voter avec un masque. Pourquoi? Parce que, à la base, la loi disait, ben, quelqu'un qui a un accident, par exemple, peut avoir la possibilité de voter avec des bandages. Et là, il y a quelqu'un très, très, très politiquement correct qui s'est dit, s'ils ont le droit, une femme voilée a le droit. Ben oui. Même si personne n'a jamais demandé ça. Et puisqu'on a le droit avec un voile, je vois pas pourquoi d'autres masques ne seraient pas permis. Oui, mais voilà. La femme voilée, elle a pas le droit de voter. De toute façon, elle a pas le droit de sortir de chez. Ben, c'est parce que c'est une façon. Non, c'est une façon que son mari puisse aller voter pour elle. Ah, ouais, ça c'est vrai. Son mari peut voter deux fois. Exactement. Uh-huh. Nous, on veut fabriquer des burkas de vote pour la prochaine élection. Des burkas de vote, c'est. Ben, bon, c'est l'idée n'est pas de moi, mais bien de, voyons, Christian Vanasse de Saint-Hyacinthe. OK. Et de toute façon, il ne pourra pas me poursuivre parce qu'il considère que Montréal n'existe pas à Saint-Hyacinthe. Cette aberration qui est Montréal, c'est une légende rurale. oui, c'est ça, c'est une légende rurale. Et donc, la burqa de vote, moi, j'ai voté avec un masque de Santos et je vais le refaire avec plaisir. D'ailleurs, l'idéal, ça serait même d'arriver à plusieurs puisque je vous l'annonce sans grande surprise, là, c'est au mois de novembre les élections. Donc, si vous voulez vous préparer des masques durant l'Halloween, bon, vous pourrez les épingler. Oui. Bon, ben, c'est ça. Parce que, à la rigueur, même effectivement, juste être costumé, ça peut suffire. Mais je trouve que cette permission qu'on a d'aller voter avec un masque est tellement fantastique. Et je fais le lien encore avec la pataphysique. Ce que disait Vian, pour bien le définir, c'est « Je m'adonne volontiers à penser aux choses que je pense que les autres ne penseront pas. » Alors, moi, j'ai fait ça pour le masque, puisqu'ils se sont dit « On a le droit de voter voilé. » Bien, j'ai pensé à ce qu'ils ne pensaient pas. Mais avant nous, des gens ont eu des idées franchement géniales. Ils ont voté avec des boîtes de pizza sur la tête. Et ça, c'est documenté, c'est filmé. Même TVA en avait passé des bouts. Désormais, la loi n'a toujours pas changé. C'est très difficile de faire passer des lois à Ottawa, comme vous savez, parce que... Il y a des vieux messieurs. Ben, c'est pas juste qu'il y a des vieux messieurs, c'est que si tu changes la loi électorale, il n'y a pas juste un point que tu changes, il y a d'autres points plus cruciaux à changer, on s'entend. Donc, ben, c'est ça. C'est pour ça que ça ne changera pas d'ici la prochaine élection. Ceci dit, par points cruciaux, je veux tomber dans le mélodrame, là, mais il y a présentement sur les 60 millions qui pourraient voter au Canada... 1,2 million qui ne peuvent pas voter simplement à cause d'un texte de loi qui définit qu'on doit avoir une adresse avec un code postal. Puis au Canada, il y a des régions complètes qui n'ont pas vraiment de code postal. Pensez à tous ces endroits où il y a des Amérindiens, parce qu'il n'y a pas vraiment de code postal sur un territoire. Ouais. Puis c'est étrange parce que cette loi-là est arrivée à peu près en même temps que des groupes comme le Parti des Premières Nations a vu le jour. C'est étrange quand même. Mais bon, tu sais, c'est ce côté-là. Mais tantôt, tu me parlais des accommodements raisonnables. Je trouve qu'on a fait un accommodement très raisonnable à date avec les conservateurs qui sont une minorité au Canada. Puis il serait temps là, que... enfin, on puisse s'en débarrasser. Qu'on puisse vivre notre culture. Ben, moi, oui, je considère que moi, on est étendu en territoire, plus c'est facile de s'entendre entre nous sur des règles. Ceci dit, je crois quand même que c'est bon d'avoir un espèce de tampon avant que les États-Unis nous écrasent totalement. Oh, mais là, je voulais pas tomber dans le mélodrame. Ben oui, là, il dépasse le mandat. Tu reviendras une autre fois parler de tout ça. Là. Là, on a un show à continuer, nous autres. Ouais. Je te jure. Et là. Check, l'autre devient émotionnel. Et motivationné. Ça y est. Merci beaucoup, Jean-Patrick Bertion. Mais on va bien sûr continuer à poser des questions tout au cours de l'émission. DJ Georges. Oui, alors. C'est ça, c'est parce que. Là, maintenant, vous avez mangé du jambon, des patates. Je pense qu'on serait dû pour un petit dessert. Ah, c'est ça. Oui, de la musique gravy. Alors, j'ai Claude François qui a déjà fait une reprise de... Oui, c'est toujours cette réaction-là. D'habitude, c'est Evelyne qui l'a. qui a fait une reprise de Sugar Sugar des Archies. Oh, ça s'appelle Douce Candy. Et c'est très bon. Si vous vous demandez... Douce... Comme ton nom du sait, tu as la peau trop sucrée. Candy goûte sucré. Candy. Moi j'imagine déjà comment il dansait là. Sur la pochette de l'album, on voit Claude François redressé fièrement avec plein de femmes en délire à ses pieds, s'étendre les bras pour lui toucher le torse. Oui, bon. Ça a l'air qu'il était très électrisant. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Pour ma part, une chance qu'il est déjà mort. Parce que... Sinon, hein, tu l'aurais sauté dans son bain, toi aussi. Ah, oh, t'as l'air. Donc, c'est ça, c'était tout ce qu'on dit. Comme son breaker. C'est ça. Alors, sinon, il y a les. On va changer un peu de type de cuisine. On a les intrigantes qui nous chantaient mets chinois. Et oui, ils nous énuméraient un paquet de mets chinois en disant qu'eux, ils n'aimaient pas ça, mais ils étaient prêts quand même à tout goûter. Ça, c'est de l'attitude. Belle ouverture. Ben oui, c'est ça. Je suis barré, mais je peux me plaindre. Tous les mets chinois de tous les gens sont fous. Et partout où l'on va, les restaurants ne portent plus que des noix et noix en chop suey, chomène. Chomène. Chomène. Chomène. Des mots à cocher d'or. Mais il y a une chose que je dois vraiment vous dire, que j'ai honte de vous, car ça vous fera sourire, c'est que je n'aime que les nouilles et puis les wontons, mais je suis prête tout au moins à tout goûter. Chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou- ça, c'est le genre de tunes auxquelles les gens réfèrent quand ils disent dans le bon vieux temps, les tunes étaient meilleures. Oui, c'était bien meilleur dans ce temps-là. Dans ce temps-là, c'était meilleur. J'aimerais ça rencontrer cette personne qui a composé cette chanson-là. Ouais, ben, elle me semble sympathique et ouverte d'esprit. Oui, ben, elle est toujours prête à tout goûter. Elle est prête à tout goûter. Sinon, plus près de chez nous quand même, laissons de côté les Wintoun et le Showman pour revenir au bon vieux ballonné avec Capitaine No qui nous fait un hymne au ballonné. Un hymne. Ça commence innocent, hein? Ça finit vraiment cave. Ça déménage. Hey, c'est Actarus. Oui, c'est lui. Bluesy. Payé cash au restaurant. Hey, c'est expérimental, ça. On vient avec les patates. Il voulait faire comme Lucien Francaire. Ouais, un peu, mais en même temps. Ça ressemble à Actarus, vraiment, le début de Goldorak. Ouais, ouais, il y a des petits bruits d'espace. Ouais, effectivement. Donc, voilà. Ça, c'était en 75. T'en as-tu une autre? Sur le ballonné? Ben, ou une autre. J'en ai une de Nathalie Simard qui nous informe ici qu'elle a le ventre qui gargouille. Ah, ça peut porter à confusion. Ouais, ben, je pense qu'elle se plaint qu'elle avalerait n'importe quoi. Et un gérant gros comme ça? Surtout, pas de ça, là. Hey, ben, va t'acheter un hold-up, puis là, au chenille. Alors ça, c'est tiré du Village de Nathalie, volume 1. Mais ben, attention, Nathalie, là, tu vas peut-être engraisser. Bon, là, Bruno, t'es encore allé trop loin. Hey, pendant qu'on a ça en background, Bruno, veux-tu nous lire des nouvelles encore? D'accord. Ouais, je vais la garder pour la fin, celle-là. Jens Gottlieb et sa copine Lisa Grün s'étaient arrêtés dans un espace de stationnement sur une autoroute achalandée de la province de North Rhine-Westphalia, en Allemagne, se sentant plutôt libidineux. Ils ont commencé à s'embrasser et ont décidé d'aller se cacher dans les buissons afin de performer un acte sexuel rapide. Ils étaient si excités qu'ils n'ont même pas remarqué les éclairs qui commençaient à s'approcher d'eux. Ce n'est que lorsqu'un éclair s'est abattu juste à côté d'eux qu'ils ont pris peur et se sont sauvés dans la pluie torrentielle qui a suivi cet éclair. Ils se sont alors perdus et ont été aperçus par un automobiliste qui a appelé la police. Les officiers sont arrivés sur la scène peu après et ont retrouvé le couple nu et frissonnant qu'ils ont habillé et transporté à la maison. Ils se sont perdus dans le bois pour aller fourrer. Il y a eu un éclair, puis il n'y a pas un des deux qui a dit « On se calme, on rentre dans le truck. » Les bras d'un zère à poil sur la rue, plan de match. Mais je pense qu'il y en a, pense que le gars s'était rentré une antenne dans le cul aussi. Mais ma question... un paratonnerre. Ça a l'air que le tonnerre tombe jamais deux fois à même place. Il semble que partir à courir, c'est d'augmenter les chances qu'il puisse te pogner. Sinon, tu peux tout miser sur le fait que la faute est déjà tombée où t'es, fait que tu restes c'est là. C'est ça, exactement. T'espères. Je pense qu'avec la nouvelle, on peut conclure que justement, il n'y avait pas trop de plan de match, puis il ne savait pas trop ce qu'il faisait, là. Pendant qu'on a Hervé Christiani en background. Oui, qui nous chante le Baba au rhum. Voilà, excellente chanson. Oui, c'est toujours du bien. Qu'on a entendu très souvent. Ouais, qui ouais. est une des chansons préférées de Simon Chénier, archiviste douteux.org et collaborateur au Mystérieux Étonnant. Ben oui. Deux émissions avant nous autres. Ouais. Qui ont reçu Carniard tantôt. Carniard tantôt, oui. Ouais. Qui était avec nous au documentaire. Il paraît qu'il a vu le show qu'on a fait là-bas, mais je n'ai pas entendu parler. Non. Je l'ai jamais vu, lui, encore. Mais il y avait tellement de monde. Ben, ça loadé, ben dur. Et puis, ben, W, La Vengeance des Sauvages, comme Emmanuel a émis, ben, ce film est fabuleux. Et puis, ben, juste assez douteux pour que ça vaille la peine. Surtout la dernière séquence de la fin ultime finale. Mm-hmm. Vous allez voir des roses et des pas trop mûres. Moi, ce soir, je suis plutôt là pour vous expliquer le mode de fonctionnement d'acquisition des films. qu'on n'a pas fait encore. Les gens m'amènent des films sous toutes leurs formes, bêta, VHS, DVD, codés pour la Chine. Et puis ben moi, j'y passe à Simon Chénier, collaborateur. Mystérieux étonnant, deux émissions avant. Lui opère la magie et transfère ça en points AVI, format que l'on a choisi pour cause de neutralité et de standard de l'industrie underground. Ensuite, Chénier me ramène les 10 films sur des DVD, 6 à 8 par DVD, gravés. Je remets ça sur mon ordi, classe le tout dans l'encyclopédie, puis grave le film deux fois pour être sûr. Je donne ensuite les DVD de Simon Chénier aux gens qui viennent nous voir au brouhaha. Seulement les lundis que je les donne parce que les autres jours de la semaine, on n'est pas nécessairement au brouhaha. Côté audio, la chaîne, la chaîne est similaire, mais c'est DJ George. Bonjour Étienne. Bonjour. C'est DJ George qui prend la place de Simon Chénier et archive ça et transfère ça en MP3. Quant au clip, je suis pratiquement toujours sur MSN au kertwitacommercial.com, Hotmail, le machin. Sinon, je prends mes mails à cette adresse. Et puis, vous pouvez bien sûr me les envoyer au Tommy. Ah, oui. Tommy à douteux.org. Ah, ouais, c'est bon ça. Ouais, ça, c'est plus simple. Ça, c'est dur de faire plus simple que ça. Hein, avec deux M, Tommy. Ouais, il y a Y. Pas IE. Non. Non, c'est bon. Je vous promets que tous les liens de clips sont gardés et downloadés. Mais la quantité est effarante. On a l'impression de voir le fond. Et puis TQS met en branle son plan de relance, capitalisant sur le nivellement vers le bas d'à peu près tous ceux qu'on connaît. Pour cause, j'ai présentement 5250 clips classés en 140 dossiers pour 73 gigs. La dernière batch de clips que j'ai à classer comporte 975 éditions. C'est pourquoi on en est à développer un système de classement des 10 clips qui sera compréhensible et accessible pour tout le monde. Pour ça, on a plusieurs bénévoles motivés qui vont commencer à travailler sur le dossier sous la bannière de M. Forêt qui a déjà fait la même chose pour sa quantité incroyable de chansons. Yeah. Et c'en est un important que de ce dossier parce que douteux.org ne capitalise pas sur les scoops de clips. Douteux.org n'est pas en train de faire le culte de la médiocrité et douteux.org est open source. Le documentaire nous démontrera une fois pour toutes la différence entre notre façon de faire et la façon de faire de nos compétiteurs. Ouais. Aussi, je le répète, douteux.org est un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir le cynisme culturel, soit à donner aux gens le réflexe du pourquoi à tous les niveaux, surtout en culture. Nous usons d'animation, de clips et de singularités cinématographiques pour illustrer notre point. Nous n'usons jamais de mesquinerie ou de nivellement vers le bas ou de montage. C'est pourquoi 70% la voix de ce mouvement, on ne peut plus open source, ce qu'est douteux.org, se targue d'avoir la liste d'invités la moins sélecte ever. Tout est douteux hors de son contexte et, ajouterais-je, tout contexte est douteux. Wow. C'est comme moi qui essaie de mettre mon pénis dans ma bouche. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé ça. Ben, ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas mal l'ensemble de mon point. Là. On va faire une petite... C'est sérieux, hein? C'est quoi, elle? C'est Evan Johannes qui nous chante Rhum Coco Anana. Donc, c'est un lien avec le baba rhum de tantôt. C'est évidemment la recette du pina colada. C'est le digestif. C'est ça. C'est le bord de la plage. Emmanuel, es-tu prêt pour ton autre intervention? Bien sûr. Tu vas la garder de côté parce qu'on a Evelyne Potvin-Cloutier qui est en studio pour... pour prendre la place de Evan Johannes. Et de la place à l'emprunt. Oh oui. Evan aussi. Là, merci beaucoup, DJ George. Plaisir, merci bizarrement, comme à chaque fois. Oh, j'y vais, là. Ben, oh. Okay. Go, go, go. Ouais, fait que là, j'ai préparé ça super vite aujourd'hui. Là, j'avais rien à dire. Puis là, c'est ça, des niaiseries. Donc, il y a Sylvain Noël, un bon ami à Tommy, très actif au documentaire aussi à Rouyn-Noranda, que vous allez pouvoir voir sur le site du documentaire comme avec Sylvain Noël, son personnage de journaliste on ne peut plus indésirable. C'est lui qui m'avait parlé d'un site d'Homme Laws. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui en a entendu parler, là, l'Ouest stupide. Là. Ben, je suis allée faire un tour, puis j'ai fait un petit condensé. Là, ben, un petit condensé. J'en ai trop, là, ça c'est sûr. C'est totalement absurde. J'ai juste pris une couple de lois des pays, des États, des États-Unis, commençant par la lettre A. Donc, on commence par l'Alabama. Il y a des lois, là. Il y a des lois en Alabama. Et alors... les combats d'ours en Alabama sont interdits. Bon. Ah, ça commence safe. Ouais. Par contre, les mariages incestueux sont légaux. Oui, ça, on le savait. C'est bon. Oui, on l'avait remarqué. Encore par respect pour les animaux, il est considéré comme une offense d'ouvrir un parapluie sur la route pour ne pas effrayer les chevaux. Ils sont animaux friendly. Dans le comté de Lee, il est illégal de vendre des arachides après le coucher du soleil les mercredis. Ouais. C'est tout à fait normal. Faut tirer une ligne quelque part. C'est parce que les gens de l'Alabama, dans ce comté-là, en fait, s'ils mangent des arachides, après la nuit, ils deviennent des gremlins. Les mercredis. Les mercredis seulement. Mais moi, je pensais que c'était pour donner possibilité à ceux qui sont allergiques de pouvoir se promener dans la ville. De sortir au moins un soir. Sans crainte aucune. C'est pas pire, ça. Le dimanche, c'est interdit de jouer au domino. Ah, le dimanche. Ouais, c'est domino. Hey, mêlez-vous donc vos affaires. C'est un jeu païen. C'est ça. Celle-là, je l'aime bien. Non, bon, on va jouer aux fesses le dimanche. Il en parle pas, en tout cas. Mais, il est illégal de porter une fausse moustache qui pourrait causer des rires à l'église. Ouais, calmez-vous, là. Fais bien attention à ça. Il y a tout le temps un constable rusé qui check. C'est ça, qui avec sa vraie moustache. Il était ensuite mettre du sel sur la voie ferrée et punissable par la mort. Donc, c'est rien de moins que la peine de mort pour quiconque ose mettre du sel sur la voie ferrée. Des rails salés. C'est... Toujours donc, en Alabama. Tu peux pas pleurer au-dessus d'une rail. Pardon? Tu peux pas pleurer au-dessus d'une rail. Ouais, ben parce que là, y a du sel dans tes larmes. C'est ça. Ça reste à voir là. Faudrait s'il y en a qui ont des d'ailleurs à la maison qui ont des précisions là. Des membres de la famille qui ont été tués pour ça. Oui, ou qui auraient des expériences connexes. Répète donc le numéro de téléphone là. C'est bien sûr dans le 514-987-3000 poste 1610 pour nous parler en direct à 70% et peut-être gagner une Nissan Sentra. Sans sel. Moi je dis que aussi on pourrait lancer le concours de quelqu'un qui s'en va en frein d'une loi là-bas puis il revient. Il gagne une Nissan Sentra! Alors, je mets au défi quiconque d'aller pitcher sa crotte de nez dans le vent en Alabama parce que c'est interdit. Hein? Les crottes de nez ne devraient pas être pitchées. Là, c'est comme boogers shall not be flicked in the wind. Into the wind. Ouais, c'était ça. C'est en anglais. Là, contre le vent, là. Non, into the wind. Okay, dans le vent. Dans le vent. S'ils ne vendent pas, c'est correct. Oui, c'est une traduction libre, ce que je dis d'ailleurs. On met ça en dessous des bureaux ou des chaises. On a du savoir-vivre. Il ne faut pas les bains, tu sais. Oui, c'est vrai, ça. On a le droit d'y mettre partout, pas dans le vent. Encore en Alabama, en toute occasion, vous ne devez avoir. Dans le fond, vous ne devez jamais avoir un cornet de crème glacée dans votre poche arrière. Est-ce que tu pourrais t'asseoir dessus déjà, juste ça? Ouais. Un petit peu plus plate comme ça, là, il est illégal pour les conducteurs d'avoir les yeux bandés en opérant un véhicule. Ah, c'est bien qu'il y ait pensé. Hein? Oui. Sexuellement parlant, dans la ville d'Auburn, ça c'est une loi de la ville seulement, les hommes qui déflorent une vierge sans regard pour leur âge ou leur statut marital civil, là, regardless comme ils disent, peuvent être sujets à une condamnation pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. OK, ben là, on n'a pas le droit de déflorer des soit défloré ailleurs. Ben, en tout cas, ça m'a l'air d'une loi abstinente, là. Allez perdre votre virginité en dehors de la ville, puis vous reviendrez après. C'est ça, ça fait comme contraire de la loi de l'inceste et permis. Oui. Ouais, c'est ça. En tout cas. Attends, tu veux coucher avec ta sœur, puis que t'es non, mais tu peux coucher avec ta sœur, mais tu peux pas la dévierger. C'est ça. Ouais, c'est ça, il faut qu'elle aille dans une autre ville. La déflorer. C'est peut-être juste pour aider à la diversité génétique. C'est ça, tu l'envoies au floralier avant, puis après ça, tout est carré. Et voilà. Dans la ville de Huntsville, on nous dit clairement que si un officier du contrôle animal, donc de la fourrière, là, si un officier du contrôle animal est en uniforme, cela signifie qu'il est un officier du contrôle animal. Bon. Tenez-vous là pour dire ça. C'est une pas payée, ça. Dans la ville, oui. C'est une tautologie, c'est que ça s'appelle? C'est une loi, Bruno. Ah, OK, excuse-moi. Il t'en reste comment, là? Une loi. Bon, il en reste beaucoup trop. Dans la ville de Mobile, il y a quand même presque 200 000 habitants à Mobile, Mobile. Personne dans les limites de la ville ne doit posséder de confettis. Parce que c'est chiant à ramasser. Eux autres, ils ont compris. Ouais. Puis je vais vite, là, avec. Parce que là, l'Alabama, c'était atroce, là. Il y en avait ben trop. En Alaska, tandis qu'il est légal de tuer par balle les ours, il est interdit de les réveiller pour les photographier. Vous pouvez les tuer, mais vous pouvez pas juste comme « Hey! » Réveille-toi, là. « Cheese! » C'est ça? Non, sinon, ça se dit pas. On est passible de mort par l'ours. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a des chances. Il est aussi considéré comme une offense de pousser un orignal hors d'un avion en mouvement. À Anchorage, en Alaska, personne ne devrait attacher son chien sur le toit de sa voiture. Et à Fairbanks, il est considéré comme une offense d'abreuver un orignal de boisson alcoolisée. En Arizona, il y en a des pas pires aussi. Je vais vite, là. Il y a deux minutes, mettons. Les peines d'emprisonnement pour couper un cactus en Arizona peuvent aller jusqu'à 25 ans. La chasse aux chameaux est interdite. Les ânes ne peuvent pas dormir dans les baignoires. C'est interdit. Moi, j'aime bien celle-là. Dans le Maricopa County, il ne devrait pas y avoir plus de 6 filles dans la même maison. Donc, en Arizona, en général, il ne devrait pas y avoir plus de 2 dildos dans la même maison. Pour les 6 filles. C'est ça. Donc, un dildo pour 3 filles. Faites des liens. C'est ça. Faites les liens que vous voulez. On va prendre une petite pause musicale, puis on revient à 70%. Ça ne durera pas longtemps. Inquiétez-vous pas. Promis. Allez là. Ce sera pas long. 70%. OK. L'indicatif. OK. 70% des Sprats aiment l'émission 70%. Ah, c'était les Sprats qui sont passés me sauver une émission vide il y a quelques semaines. Alors, je les remercie. C'était lui, c'est eux autres ou le criquet? Là. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ma dernière nouvelle. Ouais. Wow, ouais. Oh, alors, à 30%, celle-là. Là. Alors, Viorel Fioriu, un Roumain de 48 ans, s'est rendu aux urgences de l'hôpital général de Orléans, se plaignant de douleurs à l'abdomen. Les médecins ont alors fait des rayons X et ont découvert pas une, mais deux têtes de marteau coincées dans son derrière. Quoi? Le docteur Cristina Bontescu, porte-parole de l'hôpital, explique. Il était un peu saoul et avait mangé des cerises, ce qui l'avait rendu très constipé. Il aurait bu afin de diminuer la douleur et a eu l'idée brillante de se rentrer un marteau dans la cavité anale afin de régler sa constipation. Mais la tête du marteau est restée coincée et il s'est dit que ce serait une bonne idée d'utiliser un autre marteau afin de déloger la première tête de marteau. Malheureusement, le même sort attendait la deuxième tête de marteau. Les médecins ont dû opérer pour retirer les têtes de marteau. Qui l'avait profondément inséré dans sa cavité la merveille. Un Darwin Awards. Hey, sans la science, là, ça... ce gars-là serait plus là. C'est la sélection naturelle, elle est là pour quelque chose. Uh-huh. Des fois, on joue avec ça. Non, c'est vrai. Sans la science, techniquement, il n'y aurait pas de marteau non plus. Là. Merci. Ouais, non, techniquement. Puis le gars, il n'aurait même pas su c'était quoi être constipé. C'est ça? Non. Fait qu'il n'aurait pas su qu'il y aurait quelque chose dans l'anus. Quoi? Merci beaucoup, Bruno. Hey, merci aussi, Jean-Patrick Bertion. C'est pas mal la fin de l'émission. On va laisser Emmanuel lire la dernière partie de son texte. Jean-Patrick, t'embarques dans la forêt mobile. On s'en va au brouhaha boire de la bière de qualité. Mm-hmm. Autrement dit, la dernière émission. Allez voir sur le site. On a un concours pour lui trouver une image. Oui, une étiquette digne de ce nom. Juste avant qu'il parte, je mentionnerais que ça m'a fait penser tantôt, ça parlait de couilles et tout ça, qui s'est fait émasculer. Vous vous rappelez de Stéphane Dion? Mm-hmm. Moi, je veux vraiment remettre les pendules à l'heure. Stéphane Dion n'a jamais manqué de couilles. C'est faux. Non, c'est une colonne qu'il n'avait pas, c'est tout. Attention. Hein. Ça veut dire qu'il peut se reproduire. C'est une question. Oui, ouais, il peut se reproduire. Mais il a besoin d'un tuteur. Il peut se reproduire. Ben, merci beaucoup, M. Bertillon. On va reparler de ça sur le chemin. Ben, merci beaucoup, Étienne Forêt. Toujours un plaisir. C'était ta meilleure chronique que moi j'ai jamais entendue. Ah, c'est une vie. Les enfants chanteurs puis religieux aussi, c'était pas bien. Ça était fort. Ça. Merci, Evelyne. Chose, là. Ah, c'est ça. C'est ça, PC. Puis Bruno, toi, tu fais une ride de BC. Les études le confirment. Si la tendance maintient. Et voilà, merci beaucoup. Emmanuel, défonce-toi. Je vous conclue ça avec oui, car W va mettre notre sens critique à rude épreuve ce soir. Plusieurs questions vont se soulever, comme pourquoi envoyer plus d'hommes kidnapper des enfants protégés par des sœurs que pour protéger 10 millions de dollars d'opium? Parce que les enfants n'auraient pas eu à être kidnappés si l'opium n'avait pas été pris par la police, vu qu'il était juste 5 à se promener dans le troc ou en plein milieu du port avec 10 millions worth d'opium. Pourquoi laisser d'ailleurs une mère nowhere? Ça, on va voir, ça va être l'extrait sur lequel on va se laisser. Un, connaître tout sur l'enquête, et deux, s'occuper elle-même des négociations entre la police et les criminels, parce que pour les bonnes raisons que sa petite fille est parmi les enfants kidnappés. Bon, on verra qu'elle aura dû rester chez elle. Alors, ils auront beau s'entraîner tant qu'ils voudront, les pions de Nosferro vont tous mourir, décrit dans leur script, que ce soit les nains frisés muets, les géants Pentagone qui auraient donc dû s'équiper d'un gun, et le blanc et fourbe Praxis, qui travaille pour une puissance étrangère, une mafia obscure, le syndicat ou la fin du monde, on le sait pas trop. Mais il s'habille pareil comme tous les autres dans le gang criminel, alors on sait pas s'il en fait partie ou pas. Ils vont tous mourir jusqu'au dernier dans la scène finale, qui dure plus d'une vingtaine de minutes, dont le grandiose n'a d'égal que le questionnable. En fait, une voiture pimpée sur le pouce avec quelques bouts de tôle deviendra le char d'assaut invincible de W2. Tirer les pneus est évidemment pas une solution viable pour l'arrêter. Tandis que ses collègues, particulièrement le duo, on se pitch à terre et on tire, sont vraiment bons eux autres, oui. Libèrent les petits-enfants, prétextes et pleurnichards. L'amateur douteux qui aura franchi les scènes de bureau, les d'amour avec beaucoup trop de chandelles, les combats ridicules, l'histoire bâclée, les dialogues dont on se passerait, sera récompensé par cette orgie de tuages, de drownies sans pitié, d'excès d'explosions, de sauts et de cascades vraiment magnifiques de candeur et d'innocence. Alors, je vous souhaite un bon visionnement pour ce soir. Au plaisir de vous voir au brouhaha. Merci bien gros, Emmanuel. Côté Séguin, c'était 70% pour cette semaine. On vous laisse direct où il a dit, là, il y a un moustachu, là, puis il y a des lunettes. Quoi? Il faut que vous interveniez en ma faveur. Vous êtes mon chef, faites quelque chose. Je sais ce que j'ai à faire. Je n'ai besoin d'aucun conseil pour faire mon travail. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Quelles preuves veulent-ils encore? J'étais en légitime défense. Quel est son nom? Patricia Lichimpo. Bien. Et son âge? Elle va avoir 8 ans. Je ne fais qu'appliquer la loi, c'est vrai. Mais quelle loi? La nôtre ou la leur? J'aimerais savoir. Les salons ont tous les droits. Vous avez des nouvelles? Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, je vous assure. Que de belles paroles. J'aimerais savoir comment vous allez faire pour récupérer nos enfants kidnappés avant qu'il ne soit trop tard. Écoutez, monsieur, toutes les forces de police ont été mobilisées. Nous ne pouvons pas brusquer les choses. Dans leur intérêt, est-ce que vous comprenez? Vous savez ce qu'ils m'ont fait, ces salauds? Quelle que soit la décision, j'aurai leur peau. Je vous préviens, sergent. Si par malheur ils touchent un des cheveux de mon enfant, vous vous en souviendrez toute votre vie. Je suis désolé, mais tout ceci sera bientôt réglé. Bonjour, inspecteur. Puis-je vous parler un instant? Asseyez-vous. Merci. Avez-vous un problème? Ma petite fille est parmi les enfants kidnappés. Écoutez, Surtout, ne soyez pas inquiète. Nous allons faire tout ce qu'il faut. Inspecteur, je voudrais participer à vos recherches. Mais pourquoi ? Oh, je vous en prie. La vie de ma fille est en jeu. Jimpada. Simbaro. Voltar Praxis. Pendragon. Et le chef, Nesfero. D'après vos informations, Nesfero a été contacté par une grande organisation internationale. Ses activités principales étaient le racket, la prostitution. Mais récemment, nous avons pu intercepter une cargaison de drogue. Voilà pourquoi il faut agir avec beaucoup de prudence. Si je comprends bien, Nesfero serait impliqué dans un trafic de drogue. C'est ça. Les intérêts en jeu sont énormes, vous savez. Ils le tueront s'il ne récupère pas cette drogue. Il est prêt à tout. Vous comprenez? Au fait, il a une véritable armée avec lui. Comment les recrute-t-il? Il a commencé en juillet au 2 août, le festival Meg Montréal, c'est l'occasion rêvée de célébrer différemment votre été. Passez au Divan Orange pour entendre de nouveaux groupes locaux tels que Random Recipe, Silly Kissers ou Qualité Motel. Allez vous défouler au Club Meg lors du DJ set de Fisher Spooner. Visitez le parc Jean Drapeau pour voir Tiga, Likili et Girl Talk sur la scène Meg à Oceaga. Embarquez sur le Meg Boat pour une croisière festive mémorable avec Ellie Riot et Data. La nouvelle passe Meg vous donne accès à tous les concerts hors Oceaga pour seulement 60$. Rendez-vous au www.megmontreal.com. Vous écoutez Choc FM. Choc.